Je suis très heureux d'accueillir Philippe Grosso, qui va nous parler de l'art paléolithique. Hannah Arendt l'a rappelé après tant d'autres, la question de la fonction des œuvres est l'un des obstacles épistémologiques à une connaissance de l'esthétique qui n'indexerait pas sa valeur sur son utilité. On ne mesure pas assez à quel point elle avait raison à une époque où la question fonctionnelle intime à une sorte de journalisme esthétique de bon aloi d'interroger les artistes sur leurs intentions ou plus fadement encore sur le message qu'ils seraient censés faire passer. Je ne rappellerai jamais assez la boutade dont on ne sait pas si elle est d'Hemingway ou d'Hitchcock, mais qui commente sobrement à ce sujet. Si vous avez un message, allez donc à la poste. De fait, s'aborder par la société de l'accélération, les œuvres se voient sommées par les impératifs de la communication de donner leur raison d'être. Et ce n'est qu'après avoir passé l'épreuve d'un tel confessionnal qu'on pourra s'estimer avoir épuisé leur sens et fondé à passer à autre chose, puisque de toute façon elle n'était qu'un passe-temps dominical. C'est là un philistinisme on ne peut plus commun et auquel il est, à la vérité, difficile de se soustraire, puisque nous fréquentons l'art à la manière du touriste affairé, quelle que soit la bienveillance de nos attentions du reste, nous la sommons d'exhiber ses raisons. Si donc l'approche formaliste des œuvres est parvenue à s'arracher à ce genre d'instrumentalisation, de façon à s'attacher aux propriétés objectives des œuvres, il semble bien, que tout un pan de l'histoire de l'art, à savoir l'art paléolithique, qui n'est sans doute pas le seul dans ce cas, mais qui est un cas typique, cet art paléolithique continue donc d'être appréhendé souvent en ces termes instrumentaux. Dans cette perspective, l'art serait le signe toujours d'autre chose que lui-même, dans la mesure où il trouverait ailleurs qu'en lui sa signification profonde. Pour tout dire, en somme, l'art pariétal n'aurait pas de signification esthétique à proprement parler, puisque sa vérité serait ailleurs que dans sa forme. Une telle approche des œuvres d'art paléolithique paraît leur offrir assez charitablement une épaisseur sémantique, mais elle signifie en fait qu'elles n'ont de valeur que comme symptômes. À travers elles se donneraient à lire certains phénomènes socioculturels, et en particulier, bien sûr, religieux. L'art serait donc un fait social religieux, pour ne pas dire même un fait social total, à une époque où, estime-t-on, le religieux structure de part en part l'espace symbolique. Le premier impératif hypothétique de l'histoire de l'art, du moins d'une de ses formes, serait donc de répondre à la question suivante: de quoi l'œuvre d'art est-elle le moyen, le symptôme ou le signe? C'est en prenant le contre-pied, me semble-t-il, de cette lecture symptomale des œuvres que Philippe Grosso, professeur à l'université de Poitiers, s'est intéressé à l'art paléolithique, qui illustre exemplairement la manière dont les historiens de l'art se sont rendus aveugles, au nom de l'histoire, à la spécificité de leur objet, si du moins on prend au sérieux l'idée qu'il s'agit d'art à part entière. Cela dit, Philippe Grosso n'a aucunement pour ambition de se lancer, dans une sorte de Robinsonade philosophique, qui consisterait à prendre à revers toute la tradition herméneutique sur le sujet. En réalité, sa fouille d'ordre généalogique le porte à distinguer deux lignes interprétatives concurrentes. En effet, dans l'histoire de l'interprétation de l'art paléolithique, il se réclame de celle qui fait de l'art pariétal un impératif, sinon catégorique, du moins esthétique. Il est de ce point de vue assez frappant de voir que les découvertes archéologiques de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à une époque marquée par l'évolutionnisme social et l'idéologie du progrès, donc une époque finalement peu encline à accorder à l'art préhistorique des propriétés authentiquement esthétiques, à cette époque donc, les pionniers de l'archéologie, tels Gabriel de Mortillet ou Georges-Henri Luquet, n'ont pourtant pas hésité à qualifier d'esthétique les formes des grottes qu'ils découvraient. Or, c'est une autre lecture qui l'a emporté, une lecture qui a été promue au début du XXe siècle par Salomon Reinhard et que défend encore aujourd'hui, mutatis mutandis, Jean-Clotte, à savoir que l'art pariétal aurait d'abord et avant tout revêtu une fonction magico-religieuse, propitiatoire ou chamanique. Il n'entre pas dans mes intentions de détailler les raisons qui conduisent Philippe Grosso à écarter comme inconsistante cette tradition interprétative, mais je crois qu'il faut lui savoir gré d'avoir rappelé à la vie une manière concurrente de regarder ses œuvres. Interprétation dont, au fond, il importe peu de savoir si elle est plus vraie ou non que sa concurrente, mais dont, assurément, il apparaît qu'elle est, sur le plan proprement esthétique, plus fructueuse, sans doute, et certainement plus attentive à la spécificité de son objet. J'ose émettre l'hypothèse qu'une telle attention phénoménologique à l'œuvre doit beaucoup à sa fréquentation de l'œuvre d'Henri Maldinet. Je rappellerai simplement une des raisons philosophiques fondamentales qui invite à se méfier de notre propre tendance à rechercher dans l'art le symbole d'autre chose que ce qu'il est, au motif que sa fonction originaire ne serait pas d'ordre esthétique. Cette raison est donnée par Hannah Arendt dans « La crise de la culture » et je crois bien qu'il s'agit d'une petite pique adressée à Hegel et à ses héritiers. Je cite Hannah Arendt, « Que les arts soient fonctionnels, que les cathédrales satisfassent un besoin religieux de la société, qu'un tableau soit né du besoin de s'exprimer de l'individu peintre, que le spectateur le regarde par désir de se perfectionner, toutes ces questions ont si peu de rapport avec l'art et sont historiquement si neuves qu'on est tenté simplement de les évacuer comme préjugés modernes. Les cathédrales furent bâties ad majorem gloriam Dei, pour la plus grande gloire de Dieu. Si, comme construction, elles servaient certainement les besoins de la communauté, leur beauté élaborée ne pourra jamais être expliquée par ces besoins qui auraient pu être satisfaits tout aussi bien par quelque indescriptible bâtisse. » À la fin de cet extrait, Arendt insiste sur le caractère profondément contingent que toute interprétation fonctionnaliste des œuvres ne manquera pas de leur conférer. Or, ce qui importe de comprendre, c'est la nécessité, nécessité pourquoi pas intérieure, si l'on parle avec Kandinsky, qui a poussé les hommes du paléolithique à produire ces formes-là plutôt que d'autres, à ces endroits-là plutôt qu'à d'autres, parce qu'il n'est aucunement anodin de conférer une forme animale, par exemple, à un homme sur une paroi, au-delà des éventuels rituels qui pouvaient être engagés dans cette pratique. C'est cette nécessité proprement existentielle dont Philippe Grosot va, je crois, en partie rendre compte aujourd'hui, en examinant comment les formes de l'art paléolithique ont évolué au cours de son histoire, et cela en approfondissant les conclusions de son dernier livre sur le sujet, qui s'intitulait « Signes et formes » et qui avait pour sous-titre « Philosophie de l'art et art paléolithique ». Un livre dont je ne peux que chaudement vous recommander la lecture, en même temps que je m'empresse de remercier chaleureusement son auteur pour l'honneur qu'il nous fait d'être parmi nous aujourd'hui. Entre signes et formes, personnellement, mon choix est fait, et je serais heureux si la conférence de ce matin avait si peu que ce soit pour effet d'orienter le vôtre. Merci beaucoup. Alors, d'abord, pour commencer, je tiens vraiment chaleureusement remercier Anne Sidier, Arnaud Sorosina, ici présent, Jean-Pierre Carlet et vraiment l'ensemble du comité d'organisation pour cette très chaleureuse invitation, comme d'ailleurs pour l'énergie qu'ils mettent à faire vivre ces remarquables rencontres, et vous êtes nombreux à en témoigner. Vraiment, bravo à vous. Cette invitation me ravie d'autant plus qu'elle me permet de parler de réalités artistiques dont je crois qu'elles sont vraiment fort méconnues, et d'abord même des philosophes aussi, et dont je pense qu'elles sont en vérité si importantes que la conscience qu'il est possible d'en prendre est profondément susceptible de changer la compréhension que nous pouvons avoir de notre monde, et pas seulement pour une question d'intérêt spéculatif ou historique sur ce qui serait passé il y a fort longtemps. Aussi, pour m'inscrire dès à présent dans le thème de ces rencontres, je dirais d'emblée, sans savoir trop encore si l'art peut refaire le monde, qu'il constitue assurément ce que j'appellerais un témoin lucide de son changement, et même qu'il a d'emblée été, au moins à partir de l'apparition d'Homo sapiens sapiens en Europe, qui apparaît pour la première fois il y a à peu près 40 000 ans. Je dis à peu près parce que une des choses dont nous libère la préhistoire, c'est que, comme disent mes amis préhistoriens, on n'est pas à 1 000 ans près. C'est bien pour l'effet générationnel, hein, c'est de songer que finalement le temps, c'est très relatif. Alors, afin de respecter quand même le temps qui m'est imparti, je concentrerai mon propos qui, globalement, vise à parler de la place de l'activité artistique lors du paléolithique supérieur sur l'apparition et le développement de l'art pariétal. Et donc, pour d'emblée situer une chronologie que je vais devoir préciser le plus finement possible, il s'agira de penser ce qui s'est passé entre 40 000 ans et 12 000 ans avant le présent. Avant le présent, ça a un sens très précis pour les préhistoriens et paléontologues. L'acronyme anglo-saxon BP, Before Present est en général proposé. Donc, comme on n'a pas de raison d'être plus snob que d'habitude, on pourra dire avant le présent, ça servira très bien. Et avant le présent, c'est très exactement la date de 1950, qui correspond à deux choses précisément, à savoir les premières datations radiocarbone, d'une part, et les premiers essais nucléaires à l'air libre qui ont profondément déréglé la radioactivité terrestre. Et donc, avant le présent ne désigne jamais autre chose que la date de 1950 et pas l'année zéro de notre ère chrétienne, hein, par exemple. Mais plus on recule dans le passé, plus les datations sont larges et moins on est à 1000 ans près. Donc parfois, ça revient presque au même. Mais quand même, c'est important. Et c'est en effet à partir de 40 000 ans que l'on peut trouver, aussi bien en Indonésie que dans l'espace franco-cantabrique européen, les premières figurations d'art pariétal. Il est possible qu'il y ait une représentation un tout petit peu plus ancienne, avant 40 000 ans, mais en fait, elle est très contestée en préhistoire, donc, et de toute façon, elle n'a pas de suite, donc je préfère ne pas en parler. On y reviendra dans les questions éventuelles, si vous le souhaitez. La grotte, une des plus anciennes dans le monde, est retrouvée à Maros Pangkep, sur l'île de Sulawesi, c'est en Indonésie. Mais il y a également, pour notre continent, ouest européen, hein, des représentations dont je vais essentiellement vous parler. Une des plus célèbres, c'est la grotte del Castillo, qui se visite toujours. Hein. Bon, évidemment, de façon très guidée, mais elle a à peu près de 40 000 ans. Et puis, la plus célèbre en France, parmi les plus anciennes, c'est évidemment celle de Chalon-Pont d'Arc, la grotte Chauvet, hein, qui a daté de plus ou moins 37 000 ans. Donc vous voyez, Before Present, BP, donc avant le présent, plus ou moins 37 000, c'est à peu près la première phase d'occupation qui a été repérée à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les figurations datent exactement de 37 000 ans. Ça, pour une raison que je vous préciserai plus tard, c'est plus compliqué à dater. Et en tout cas, toutes ces grottes ont été le témoin privilégié de la première apparition d'art pariétal, qui est vraiment très clairement daté autour de 40 000 ans de par le monde. Et c'est autour de 12 000 ans, ensuite, que cet art, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, disparaît. Et il disparaît très brutalement. On notera dès à présent donc, que cet art, qui est relativement homogène dans ses sujets, dans ses thèmes de représentation, c'est fondamentalement un art animalier, de type naturaliste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des codes de représentation, mais la figuration est très clairement identifiable, des animaux, pour l'essentiel, c'est globalement maintenu sur près de 28 000 ans. C'est une temporalité parfaitement irreprésentable pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi, comme pour tout ce qu'il est, il est bon de tenter de se repérer en proposant une modélisation, fût-elle modeste, de cette incroyable durée. Alors, Bergson n'aurait peut-être pas trouvé ça très judicieux de spatialiser le temps, mais après tout, s'il s'agit d'un modèle, de rien d'autre qu'un modèle, c'est-à-dire d'une mise en image, littéralement, c'est ce qu'un modèle, hein, et comme disait Descartes, c'est un auxiliaire de l'entendement, une petite béquille pour nous représenter l'irreprésentable. Une telle modélisation, on va le voir, a en fait plusieurs intérêts. D'une part, elle nous permet d'accéder à une représentation un peu plus intuitive de ces durées, qui sinon sont pour nous comme frappées d'abstraction et donc quasi incompréhensibles. 28 000 ans, alors qu'on est peut-être légitimement fier de nos 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire, 28 000 ans ? Vous voyez, ça, c'est complètement abyssal comme représentation. Et d'autre part, cette modélisation est importante parce que, selon la définition de l'art adoptée aujourd'hui par la plupart des préhistoriens, il apparaît très raisonnable de penser que l'activité artistique, non seulement est bien plus ancienne que l'existence d'Homo sapiens sapiens, mais plus encore qu'elle pourrait dater d'environ, chose à peine le dire, 2,7 millions d'années. C'est là, par exemple, ce que soutient avec force d'argument le préhistorien excellent, d'ailleurs, Michel Laure Blanchet, qui est un des grands spécialistes de l'art pariétal du Quercy, même le plus grand spécialiste français, indéniablement, et notamment dans un ouvrage paru en 1999 et intitulé « La naissance de l'art, genèse de l'art préhistorique ». Et pourquoi rapporte-t-il cette datation à 2,7 millions d'années, qui peut paraître totalement abyssale ? Parce que c'est à peu près, ça correspond à la plus vieille vérification de la taille des pierres. Il est en effet parfaitement recevable d'affirmer, comme il le dit, que la taille des premières pierres, pour autant qu'elles mobilisent une puissance d'abstraction géométrique, relève déjà de l'adoption d'une pensée symbolique. Par quoi l'idée même d'art, précisément, se laisse reconnaître ? L'adoption d'une pensée symbolique. Or, cela nous ramène alors à une période relevant non pas du paléolithique supérieur dont je vais vous parler, mais du paléolithique inférieur, et précisément de cette datation tout à fait extraordinaire pour nous, 2,7 millions d'années. 2,7 millions d'années, c'est quasiment l'ancienneté total de ce que le préhistorien calibre sous l'intitulé de paléolithique inférieur, qui est en général pensé comme allant de 3 millions d'années à 300 000 ans. On appelle en préhistoire le paléolithique moyen la période allant de 300 000 ans à 40 000 ans, et donc le paléolithique supérieur, le plus proche de nous, de 40 000 à 12 000 ans. Donc vous voyez, le paléolithique supérieur, c'est déjà une époque très tardive pour un paléontologue, même si elle est relativement récente pour un préhistorien. Alors, aujourd'hui, et depuis la publication très récente en 2017 dans la revue Nature par le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin et son équipe qui travaille à Iéna, bien qu'il soit français, il a fait paraître un article tout à fait important, la découverte dans le sud marocain de fossiles d'Homo sapiens qu'il appelle archaïques, mais qui nous ressemblent globalement, hein, sachant que Homo sapiens, c'est tout à fait nous sans les lunettes. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Il est même un petit peu plus costaud. La moyenne, c'est plutôt 1m80 pour un homme, hein, d'un homo sapiens sapiens. C'est un homme anatomiquement moderne. Et vraiment, il arrive sur le continent ouest européen autour de 40 000 ans, fréquentant par chez nous des Néandertaliens, à l'est en Eurasie, des hommes de Denisova. Ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, parce que disons que jusqu'à 35 000 ans, l'humanité était vraiment diverse. C'est totalement unifié maintenant, il ne reste plus les différences culturelles fondamentalement. Mais on n'invite plus un Néandertalien, un Denisovien à table, hein. Seulement éventuellement un Africain et un Asiatique. C'est très relatif, vous voyez, la diversité des homininés. Et donc, Jean-Jacques Hublin, découvrant un fossile d'Homo sapiens archaïque, a fait une datation par thermoluminescence et le rapporte à 315 000 ans. Alors c'est tout à fait important parce que jusqu'avant, on pensait que le plus ancien des Homo sapiens archaïques datait peut-être de 150, les plus anciennes propositions étaient autour de 200 000 ans. Il a reculé de plus de 100 000 ans l'apparition de ce qui est l'origine de notre espèce. Et petite anecdote qui m'amuse toujours dans les datations des paléontologues et plus encore que des préhistoriens, c'est que plus on recule, plus la marge d'erreur est tout à fait conséquente. Au-delà de 40 000 ans, on ne peut pas dater par radiocarbone, ça ne marche plus. Et donc, c'est des procédés très savants qui s'appellent la thermoluminescence. Et la thermoluminescence donne donc cette date de 315, mais qui est un âge moyen, avec une marge d'erreur de plus ou moins 34 000 ans. Et donc, on n'est vraiment pas à 1 000 ans près, hein, tout le monde est d'accord, vous voyez. Ça fait quand même une marge d'erreur des extrêmes de 68 000 ans, puisque c'est une moyenne. Donc voilà, on est dans ces chiffres-là quand on s'intéresse à la paléoanthropologie ou, comme c'est mon cas, à la préhistoire. Et donc, cela signifie que l'activité artistique, selon les définitions qu'on peut en proposer, a tout à fait pu appartenir à d'autres espèces d'homininés. On appelle les homininés et pas les hominidés. Attention, les hominidés, c'est le nom qui est commun aux formes d'homo et aux primates. Donc, il y a des hominidés à 40 millions d'années. Mais les homininés, le plus ancien connu, eh bien, c'est Toumaï, par exemple, à 2,7 millions d'années. Voyez. Et donc, des formes d'art, c'est-à-dire taille de pierre, ont pu appartenir à différentes espèces, Homo erectus, par exemple, tailler les pierres. Pourquoi ? Avec donc une forme symbolique d'appropriation, pas de raison, a priori, de lui retirer, le soustraire à ce qu'on appelle de l'art. En outre, si on juge qu'une telle définition comme processus d'abstraction à la fois géométrique et symbolique reste tout à fait insuffisante parce que trop générale, et qu'on pense que cette activité requiert la préparation de différents matériaux, par exemple la fabrique d'un moyen de reproduction, la fabrique de couleurs, etc. Alors, il faut se rappeler que le plus ancien bloc de pierre gravé et coloré retrouvé à ce jour, dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, a été daté, là encore par thermoluminescence, de 75 000 ans. Et vous voyez qu'il s'agit bien d'un travail manifeste, hein, ce n'est pas des rayures aléatoires, il y a une structuration du dessin et des taches d'ocre qui se voient pas très bien, donc l'ocre étant toujours produit à partir de l'oxyde de fer. En gros, il y a deux matières premières tout à fait importantes, l'oxyde de fer qui décline toutes les couleurs des jaunes au rouge, hein, et l'oxyde de manganèse pour faire les noirs. Le problème, c'est que ça ne se date pas au radiocarbone. Alors, voilà où je veux en venir par ma petite modélisation. Voilà ce que représente l'apparition d'une première échelle de modélisation. Et voyez là, j'ai chiffré les 40 000 ans de l'art pariétal en l'écrivant en millions d'années. Parce que 40 000 ans, ça paraît beaucoup, mais quand on l'écrit en écrivant 0,04 millions, on voit tout ce qui s'est passé avant. 3 millions d'années, c'est bien l'apparition de la datation du paléolithique inférieur. 2,7 millions d'années, les premières pierres taillées retrouvées à ce jour. Et puis, il se passe un temps absolument considérable, jusque d'abord la découverte du plus ancien Homo sapiens archaïque retrouvé à ce jour, 315 000 ans. Et à 40 000 ans, donc très tardivement, quelque chose comme de l'art figuratif. Donc au bout des 40 000 ans, c'est nous, hein, déjà. Vous voyez ça situe un peu l'échelle zéro à laquelle nous nous trouvons. Et si maintenant, au sein de cette temporalité dont vous admettrez, je pense qu'elle est véritablement renversante, on s'efforce de rendre visible, au prix d'une modélisation encore un tout petit peu plus fine, les presque 28 000 ans quand même, durant lesquels l'art figuratif s'est développé au sein du paléolithique supérieur, lequel, je rappelle, apparaît il y a 40 000 ans, avant justement le tournant du mésolithique, puis les différentes périodisations que sont la néolithisation, la protohistoire, l'antiquité, l'époque moderne, et bien voilà ce que cela donne. Donc il faut lire ce petit schéma que je vous propose à partir du 21e siècle, où nous nous trouvons sur l'extrême arête du rebord, remonter 2000 ans plus tôt pour comprendre le début de l'ère chrétienne, 12 000 ans la fin du paléolithique, et le début donc du mésolithique, je préciserai ça tout à l'heure, puis du néolithique, et 40 000 ans, les premières productions d'art pariétal. Donc vous voyez, il est quand même étrange qu'on puisse parler aujourd'hui encore si facilement de figuration et d'art en faisant comme si il ne s'était rien passé depuis 40 000 ans. Hein ? L'art n'est pas une invention du XIIIe siècle ou de la haute antiquité égyptienne ou chinoise. Ça n'a aucun sens d'en faire l'économie, me semble-t-il. Et évidemment, c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut commencer à discuter sérieusement maintenant. Alors, cela a en outre, je crois, deux conséquences tout à fait majeures. D'une part, cela permet de penser que ce que nous nommons en général de l'ancien, parce que antique, est en fait du tardif. Et ce n'est pas une provocation pure de ma part. Ça nous oblige à vraiment repenser et intégrer ces données-là. L'ancien, parce que antique, m'apparaît à moi comme du tardif. L'antiquité, c'est tardif. Et c'est le fruit d'une immense évolution dont nous sommes les héritiers toujours. D'autre part, cela annule, ou du moins relativise très cruellement, tous les critères des historiens d'art, qui par ailleurs ont parfaitement leur légitimité, hein, ce n'est pas une attaque ad hominem ni générique d'aucune façon, je ne me permettrai pas et je ne le penserai pas du tout, mais cela annule tous les critères de l'historien d'art lorsqu'il analyse l'art à partir de concepts tels que l'apport générationnel, les écoles, les influences des maîtres, puisque évidemment, ici, tout cela vole en éclats. Nous n'avons plus aucune référence de cet ordre-là. Il faut donc repenser des concepts appropriés. Pourquoi alors, comme je vais vous proposer maintenant, me concentrer sur la figuration, l'apparition plutôt de la figuration au début du paléolithique supérieur, plutôt que sur des périodes bien plus anciennes, puisque après tout, je vous ai dit qu'à partir de 2,7 millions d'années, les pierres taillées apparaissent. Eh bien, parce que dans la longue trame si peu homogène et si foisonnante de l'hominisation, il est probable, en tout cas c'est la thèse que je vais soutenir, de penser que cela marque l'apparition d'une essentielle discontinuité. La figuration introduit un mode nouveau. Et pour le dire d'un mot, en l'état actuel des connaissances, il semble bien que ces figurations n'apparaissent précisément qu'avec Homo sapiens sapiens, cet homme anatomiquement moderne que nous sommes, en sorte qu'il n'y a pas d'art figuratif qui puisse être rapporté ni à Néandertal ni à Denisovien. Or, il est indéniable, pourtant, que et Néandertal et l'homme de Denisova, qui vivait en Eurasie, à la même époque, l'un l'autre taillait aussi bien les pierres, et qu'à ce titre, il serait profondément absurde de leur dénier l'expression d'une pensée symbolique, et qu'en conséquence, on pourrait même parler qu'il y a chez eux une forme d'activité artistique, si on la pense comme activité de type symbolique. Au moins, par exemple, c'est la thèse que défend Michel Laure-Blanchet, et je crois à juste titre. Et pourtant, ce qui est tout à fait frappant, c'est que ni Néandertal ni Denisova n'ont laissé d'art pariétal. Alors pourquoi sapiens sapiens, nous, sans aucune autre différence, ni génétique ni anatomique, pourquoi nous en avons-nous produit dès 40 000 ans ? Plus manifestement encore que pour l'activité qu'on appelle lithique, c'est-à-dire l'activité qui étudie les pierres ou les objets retrouvés à même le sol, la constitution d'un art mobilier pariétal et pariétal lors du paléolithique supérieur nous renvoie à une très puissante activité symbolique dont il est raisonnable de penser qu'elle pouvait être porteuse d'une forte charge intégrative pour l'individu comme pour le groupe social. Outre des grandes cavités très ouvertes comme peut l'être la grotte de Lascaux, au moins pour son axe central, dite la salle des taureaux. Je présente cette salle souvent à mes étudiants en disant, vous voyez, c'était la salle des fêtes de l'époque. Hein. La salle des fêtes, parce que si vous êtes déjà allé, les plus chanceux d'entre nous, mais avant 63 dans l'original, sinon les moins chanceux comme moi dans les diverses reproductions contestable d'ailleurs, vous voyez que c'est un hall très très vaste hein, et qui peut accueillir, disons, une trentaine d'individus, sachant qu'un groupe humain à cette époque-là, c'est guère plus de 25. Et par ailleurs, à Lascaux, il y a des endroits très très, très, très, très isolés, diverticule des félins par exemple, où un individu passe de profil seulement, vous voyez, et parfois en rampant. Donc il y a toutes sortes de lieux, et en tout cas, pour. Cette salle célèbre des taureaux à Lascaux, il est probable que la force intégrative du lieu devait manifestement peser. D'autant que sur cette force intégrative, on peut remarquer que jusqu'à l'époque de la fin du paléolithique supérieur, elle n'a jamais disparu. Vous voyez par exemple ce qui a pu être trouvé sur le site de la Madeleine. Donc c'est la période d'extrême fin du paléolithique supérieur, qu'on appelle l'asilien, entre 12 000 et 10 000 ans, à partir du moment où il n'y a plus d'art figuratif, mais la production d'art mobilier, disons, est toujours extrêmement importante. Et en conséquence, vu l'ensemble de ces productions, il est aussi tout à fait raisonnable de penser qu'il pouvait avoir un usage corporel des peintures ou à l'oxyde de fer, qui décline toute la gamme des ocres, voire à l'oxyde de manganèse. Donc il y a tout ce qu'on a trouvé et tout ce qu'on ne trouvera jamais, parce que, évidemment, ça s'est totalement perdu. Les peaux se décomposent, on trouve quelques os dans le meilleur des cas. Toutefois, cette puissance intégrative, dont on peut dire symbolique, de l'art, étant rappelée et confirmée par toutes sortes d'arguments qui nous ouvrent à la constitution de ce qu'on peut appeler une paléo-anthropologie, voire une paléo-sociologie, une fois qu'on a dit ça, me semble-t-il, toute la difficulté et elle est grande, et de savoir, et c'est là le point pour moi de difficulté majeure de tout ce qui suit, est de savoir de quoi le symbole, la pensée symbolique, est le symbole. Qu'elle soit symbole de quelque chose, cela me paraît presque évident, et en tout cas je n'ai aucun argument pour le nier, et je ne m'y essaierai même pas. Mais toute la difficulté, c'est que depuis, en gros, 1902, date d'officialisation de l'art pariétal dans le monde, à partir d'un très célèbre texte d'un préhistorien français, Émile Cartaillac, qui avait d'abord refusé l'authenticité de la grotte célèbre d'Altamira en 1872. Ça paraissait improbable que des hommes de ce qu'on appelait à l'époque l'âge du Rennes aient peint ce plafond de bison polychrome. Hein. Donc ça a été, il est revenu sur sa proposition en publiant en 1902 un très célèbre texte qui s'appelle « Mea culpa d'un sceptique ». Et ça a été le début, en France, et en Europe et dans le monde, de toutes les activités de recherche des préhistoriens pour l'art pariétal. Eh bien, depuis 1902, tout le monde est donc d'accord pour dire qu'il y a une pensée symbolique qui émerge de cet art figuratif, et tout le monde se déchire pour savoir de quoi le symbole est le symbole, inévitablement. Or, voyez qu'il y a là le symbole d'une cosmologie qu'on dira religieuse, pourquoi pas, puis après tout, il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne pouvait ne pas l'être, c'est probable, je dirais, mais cela ne fait, me semble-t-il, que repousser le problème sans nous renseigner davantage. Et pire encore, une fois énoncé, je dirais qu'il ne reste plus qu'aux préhistoriens que deux possibilités, toutes deux intenables à mon sens. Ou le préhistorien en dit trop, ou il n'en dit pas assez. Il en dit trop lorsqu'il s'aventure dans des conjectures herméneutiquement scabreuses. Et de cela, les exemples sont fort nombreux depuis l'officialisation de l'art pariétal en 1902 jusqu'à nos jours, puisque pas plus tard que l'année passée est encore apparu un texte abondant dans ce sens d'un préhistorien pourtant fameux et important. À chaque fois, c'est ça qu'il faut bien comprendre, de telles interprétations surgissent, elles ont en commun, au-delà de leur diversité, surtout de leur divergence, de vouloir être, je dirais, holistique, totalisante, parfaitement englobante. Hein? Qu'elles convoquent ou non une référence à un comparatisme ethnographique, c'est-à-dire allons savoir ce qui se passe chez les Inuits aujourd'hui, chez les San d'Afrique australe, chez les aborigènes australiens, chez les Amérindiens de la côte ouest américaine, etc. Qu'elles soient ou non basées sur un comparatisme ethnographique, elles entendent essentiellement proposer une interprétation dans laquelle tous les éléments de l'art pariétal, c'est-à-dire les figures, les signes, la grotte elle-même, doivent être rapportés à un tout homogène. Et ainsi, on assiste à des interprétations qui se succèdent et qui se contredisent toutes les unes les autres. Je passerai en une phrase seulement, promis, en revue toutes ces interprétations que j'ai analytiquement décortiquées dans l'ouvrage auquel Arnaud faisait gentiment référence tout à l'heure. Ça commence vraiment en 1903 avec l'idée proposée par Salomon Reinhart, reprise immédiatement par l'abbé Breuil, qu'il s'agit évidemment d'un art propitiatoire de la chasse et de la fécondité. On s'est aperçu depuis que ça n'avait aucun sens en trouvant Lascaux, puisque à Lascaux, les foyers montrent que l'animal consommé par excellence, c'est le renne, et il y a une seule gravure de renne très profonde et très masquée dans tout Lascaux. Donc, il peigne autre chose que ce qu'il mange. Bon, ça, c'est manifeste. Et c'est assuré aujourd'hui sans contestation par aucun préhistorien. On peut penser, thèse soutenue dans les années 60 par André Leroy-Gourand, qu'il s'agit d'un art expressif d'une cosmologie fondamentalement sexuée. Donc, le grand geste herméneutique de Leroy Gourand, c'est dire toutes les figures sont des signes. Par exemple, une association cheval-bison, c'est du masculin et du féminin, donc c'est un signe. Et tous les signes sont sexués. Donc, il n'y a que du féminin, que du masculin. Bon, évidemment, que faire de ça une fois que c'est énoncé, hein ? On peut parler. Interprétation surgit au milieu des années 90, très célèbre, de Jean-Claude maintenant, d'un art chamanique. Il fait recours à un comparatisme ethnographique venant des Sans d'aborigènes, d'Afrique australe, et il interprète tout comme un chaman. En construisant l'idée d'un chaman, dont on peut bien se demander quel sens ça a, il y a 37 ou 20 000 ans. sachant quand même que c'est un concept que même les ethnologues situent localement aujourd'hui encore. Alain Testard, en 2016, dernier livre posthume de cet homme éminemment savant, il propose un néo-totémisme. L'an dernier, un préhistorien important, intéressant, jeune, Emmanuel Guy, propose de voir les figures que je vais vous montrer dans quelques instants comme un art héraldique. C'est-à-dire les figures isolées hors contexte sont comme des blasons de familles, de potentats de l'hubertique supérieure. Vous voyez que toutes ces thèses sont multiples. Si l'une est vraie, toutes les autres sont fausses. Et inversement. C'est un peu problématique quand même. C'est-à-dire, sachant que quand on a dit ça, les arguments, vous voyez, on peut tout à fait aller sélectionner des grottes et des exemples, mais on peut proposer beaucoup d'autres contre-exemples, hein, sans aucune difficulté. À l'inverse, donc là, c'est l'exemple du préhistorien qui en dit trop. Et à l'inverse, je dirais qu'il n'en dit pas assez lorsqu'il est soucieux précisément d'éviter l'égarement, ce que les jeunes préhistoriens aujourd'hui ont tendance à faire, c'est-à-dire de prendre une attitude purement descriptif, je dirais positiviste, et qui ne se risque plus à aucun concept. Tellement, il faut le savoir, et je le regrette vivement, les préhistoriens se déchirent entre eux. C'est presque pire que nos querelles idéologiques de philosophes dans les années 70, vous voyez. C'est tout à fait extravagant quand on entre dans le détail. Je ne dis pas que les querelles des philosophes n'existent plus aujourd'hui, mais ils me semblent quand même moins marqués par celles de la génération précédente. Alors, pourquoi il n'en dit pas assez? Bien parce que, évidemment, la peur n'évite pas le danger, comme chacun sait, et qu'il serait tout à fait naïf de penser que la démarche scientifique peut se développer en étant libre de tout, présupposé méthodologique. Chacun d'entre nous se souvient de ce que Bachelard appelait un obstacle épistémologique, et quelques années après, Louis Althusser, dans un autre registre, a pu lui aussi à son tour, et très justement, insister sur ce qu'il appelait la naïve philosophie spontanée des savants. Bref, s'il faut aux scientifiques réfléchir aux concepts qu'ils sollicitent, c'est précisément parce qu'ils ne cessent d'en convoquer des concepts. Parce que, comme disait Bachelard, les instruments qu'il utilise ne sont que des théories matérialisées, parce qu'aucun regard n'est jamais tout à fait libre d'un impensé culturel et méthodologique qui le conditionne. Est-ce qu'on peut échapper à ce dilemme, en dire trop ou en dire pas assez? Il m'a semblé que oui, et qu'il fallait s'y engager activement maintenant. Alors afin de tenter d'échapper à ce faux dilemme, puis vous me direz si j'y échappe ou pas, c'est-à-dire en dire trop ou n'en dire pas assez, je propose quant à moi de repartir sur d'autres bases et de ne pas se contenter de penser l'art comme une activité symbolique. En fait, tout le problème est là. Et je partirai pour cela d'abord d'une question et d'une observation. La question est toute simple. C'est la réponse qui est compliquée. La question, c'est que montre l'art figuratif des cultures du paléolithique supérieur, de la plus ancienne, qui est nommée l'Aurignacien, qui en gros va de 40 000 à 29 000 ans, jusqu'au Magdalénien, période la plus récente, qui en gros va de 17 000 à 12 000. Entre les deux, les préhistoriens en distinguent deux autres, dans l'ordre le Gravettien, de 29 000 à 22 000 ans, et le Solutréen, de 21 000, disons, à 18 000 ans. Voilà. Que montre donc l'art figuratif de 40 000 à 13 000 ans? La question peut surprendre, surtout si on la pense comme pourrait le faire un historien d'art. La question peut surprendre tant qu'il est alors possible de répondre en renvoyant une diversité de représentations. Mais il me semble que cela, tout en sans être tout à fait hors propos, ne serait pas pertinent. Parce qu'au sein de cette diversité de représentations, il y a un élément majeur, dominant, qui doit pouvoir nous sauter aux yeux dès qu'on s'intéresse savamment à ces questions. Je peux le dire très simplement, durant plus de 25 000 ans, et je vous rappelle qu'on est en 2019, donc durant plus de 25 000 ans, la diversité animale n'a pas constitué un élément de représentation parmi d'autres, mais elle a constitué, et de très loin, l'élément figuratif premier au sein d'un art résolument naturaliste. Il s'agit bien ici de parler d'éléments figuratifs, parce que, pas plus que vous, je n'ignore que l'art pariétal est constitué de fort nombreux signes. Mais précisément, un signe, par exemple un trait gravé, des points de ponctuation comme derrière le rhinocéros du puits de Lascaux, etc., un signe que l'abbé Breuil nommait tectiforme, parce qu'en forme de toit, hein, des signes, un signe n'est pas une forme. Et surtout, une forme, comme j'ai eu l'occasion de le montrer, ne doit pas être confondue avec un signe, sauf si on veut ne plus rien comprendre à ce qu'on regarde. Un signe, par définition, signifie toujours quelque chose. Même si, comme dans le cas de l'art du paléolithique supérieur, nous ne pouvons plus comprendre ce qu'il signifie. Or, une forme, quant à elle, ne signifie rien, ce qui ne l'empêche absolument pas d'être expressive. Et c'est cela précisément qui doit être rigoureusement distingué, ce que j'appellerais l'expressivité d'une part, la signification d'autre part, d'autant qu'elles sont souvent l'une l'autre confondues parce que superposées et donc parfaitement méconnues. Prenons tout de suite un exemple qui va être celui-ci. Le célèbre panon des lions de la grotte Chauvet, donc la plus ancienne trace de peinture aurignacienne. Je pense que chacun d'entre vous ici pourrait m'accorder le fait que ce panneau est expressif davantage d'un dynamisme que d'une torpeur. Personne d'entre nous ne trouve de torpeur à cette représentation. Mais dire cela ne préjuge pas du fait qu'ensuite on puisse vouloir l'interpréter en l'intégrant au sein d'un ensemble symbolique plus vaste. Non seulement en y voyant par exemple la figuration d'une meute, mais encore d'une façon quasi cinématographique comme l'a proposé très justement d'ailleurs un préhistorien du nom de Marc Azéma, comme la figuration d'un unique animal en mouvement. Parce que évidemment, nous, quand nous voyons les grottes, nous les voyons toujours, même quand nous les voyons de façon hors grand public, disons, avec équipées de lampes froides frontales, mais avec une lumière qui écrase malgré tout un peu. Mais il faut s'imaginer qu'elles sont peintes en amenant avec soi des pierres creusées dans lesquelles on fait brûler de la graisse animale, et donc comme on verrait nous à la lumière d'un flambeau, donc avec une lumière vacillante. Hein. Donc c'est pas ce qu'un homme paléolithique a vu. C'est une projection avec les procédés de numérisation qui écrase tout. Déjà ce que je vous montre, même si c'est stupéfiant. Alors non seulement on peut voir cela, vous voyez, mais dans tous les cas, pour l'instant, même si je dis que c'est un animal ou une meute, on a encore une approche que j'appellerais formelle et que je défendrais. Mais tout autre est l'interprétation en termes de signes, cette fois-ci, et vous la comprenez directement si je vous dis que ça, c'est le symbole ou le signe d'une scène de chasse, ou si je vous dis que c'est un signe d'une mythologie totémique. Alors si je dis ça, mais quels arguments j'ai pour le dire? Qu'est-ce que j'en sais? Et qu'est-ce que j'en saurais? Eh bien la réponse est simple, rien. Alors pour autant, il ne suffit pas de constater que durant toute la totalité du paléolithique supérieur, la figuration naturaliste de la diversité animale fut la représentation dominante. Il convient également d'ajouter que l'artiste qui était en mesure de réaliser de telles prouesses artistiques sur cette paroi aurignacienne de Chauvet, sur les parois solutréennes de Lascaux, ou sur les parois magdaléennes d'Altamira que j'évoquais tout à l'heure, n'a pas figuré, et là c'est un point essentiel, n'a pas figuré l'humain autrement qu'en dispersant ses organes ou en l'esquissant de façon quasi fantomatique. On trouve en effet lors du paléolithique supérieur de très nombreuses mains négatives, plus rarement des mains dites positives, de très nombreux sexes, beaucoup de vulves gravées ou peintes, beaucoup moins de phallus, et bien souvent des représentations d'exemples de phallus gravés. C'est, il est remarquable parce que celui-là est dans la grotte absolument sublime des trois frères dans les Pyrénées ariégeoises. Elle est totalement fermée, c'est difficile d'y avoir accès, mais il est vraiment gravé. Donc les Magdaléniens ont pris la forme naturelle de la paroi et ont surligné en gravure. Donc c'est la lecture, comme disent les préhistoriens, date seulement temps d'une dizaine d'années, jusqu'à présent, on n'avait pas vu ça encore. Voilà, donc je voulais vous montrer cette rareté tout à fait intéressante. Et donc plus souvent encore, ils ont quelquefois plutôt représenté ce que j'appellerais des anthropomorphes. Et je tiens beaucoup à ce terme parce qu'il ne s'agit absolument pas pour moi de parler d'humains, mais je vais m'expliquer justement de cela. Michel Laure Blanchet, ce grand préhistorien spécialiste des grottes du Quercy, dans le Lot, parle lui-même parfois de façon presque imprudente d'hommes. Et notamment, il y a deux grottes très célèbres dans le Quercy, qui sont les grottes de Cougnac et de Pêche-Merle. Et dans la grotte de Cougnac, qui est une magnifique grotte et qui peut toujours se visiter, hein, donc je veux dire, Lascaux 4, allez à Cougnac, allez à Pêche-Merle, allez à Pernon-Père, allez dans des grottes comme ça, c'est autrement plus intéressant. Dans la grotte de Cougnac, vous voyez, il appelle cette représentation... ou que vous voyez ici, hein, un homme blessé. Alors, la dénomination homme blessé m'ennuie un petit peu, parce que moi, j'y vois fondamentalement ce que je ne sais pas immédiatement interpréter, c'est-à-dire une figure anthropomorphe. On a bien un début de bipédie, mais enfin, le prolongement du corps n'est quand même pas très clair dans la bipédie. Et puis, j'y vois des traits. Enfin, je veux être le plus descriptif possible. Hein. L'autre anthropomorphe, vous voyez, qu'il appelle un homme blessé, est encore moins visible. Vous voyez, ça, c'est la tête, le corps... les pattes, et de nouveau ce qu'il appelle des blessures. Et moi, j'appelle ça plutôt des traits. Non pas que je me prenne pour plus savant que je ne suis. Je suis beaucoup moins savant que Michel Laure Blanchet, mais peut-être un peu plus prudent sur cet exemple-là. Et puis, un exemple d'anthropomorphe très très célèbre, chacun en a vu des reproductions, c'est eh bien, ce fameux homme ityphalique de Lascaux. Alors, on l'appelle homme ityphalique, mais vous voyez, ça, c'est un trait. Ça, c'est un trait, ou un signe. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe. Les petites ponctuations que vous voyez, ce sont des signes. Quand c'est interprété comme une scène, propitiatoire de la chasse, ça, c'est pas un signe, c'est une sagaie. Ça, c'est pas un signe, c'est un propulseur. C'est difficile. Et pourquoi c'est difficile? Parce que cet homme qu'on appelle l'homme ityphalique du puits de Lascaux, tout le monde, au premier coup d'œil, est capable de voir qu'il est représenté de bonne façon extraordinairement schématique, et beaucoup plus schématique que ce bison éventré que vous voyez, et qui n'est pas le plus bel animal de Lascaux, loin s'en faut, mais il est dans un puits très difficile d'accès, à 6 mètres de profondeur, enfin bon, c'est compliqué. Et donc, mon constat, c'était de me dire d'abord comment des si grands artistes de cette grotte absolument exceptionnelle qu'est Lascaux auraient-ils pu se satisfaire d'un homme si grossièrement géométrisé, eux qui, à en croire Norbert Ojoula, qui est probablement le meilleur spécialiste de la grotte de Lascaux, ont su maîtriser à ce point l'anatomie de l'animal qu'ils étaient capables de peindre un bison en sorte qu'on reconnaisse, vous voyez ici la différence de couleur entre l'oxyde de fer ici et le manganèse ici, eh bien son pelage et sa mue de printemps. Donc anatomiquement, le bison est parfait, ou encore cet autre exemple tout à fait magnifique d'une paroi célèbre de Lascaux, dit cheval renversé. Alors là encore, la projection que je vous propose nous leurre totalement, parce qu'en fait on ne peut jamais le voir comme ça à la plat. Si on voit l'avant du cheval, on ne voit pas l'arrière-train. Hein. La paroi est courbe. Donc l'artiste qui l'a réalisé ne pouvait pas voir tout d'un coup, mais il l'a fait renverser dans des proportions anatomiquement exactes. Comment des artistes si savants dans l'art anatomique de l'animal pouvaient-ils se satisfaire de formes si grossières quand ils figurent l'humain? Voilà la question. À ce premier constat, selon lequel, durant plus de 25 000 ans, disons, l'Homo sapiens sapiens du Paléolithique supérieur a essentiellement figuré la diversité animale, sans reproduire l'humain d'une façon naturaliste, hein, c'est ça la différence, il convient immédiatement d'ajouter trois autres remarques, sachant que sur cette très longue distance, du moins à l'échelle humaine, plusieurs cultures se sont succédées. Premièrement, si on prête une attention soutenue à ces diverses figurations, on peut constater que les représentations animales passent très progressivement de grands carnivores, tels les lions et les ours qui plaisent tant aux petits-fils ou petites-filles, je ne sais plus, pardon, de M. Carlet, de la grotte orignacienne de Chauvet. Donc on trouve des ours, hein, pas donc des grands carnivores, ceux-là sont deux magnifiques spécimens. Et on passera progressivement, en fait, à de grands herbivores à l'époque suivante, gravétienne. Vous m'excuserez d'aller très vite, je pourrais vous donner des dizaines d'exemples, mais le temps me manquerait cruellement. Et là, vous voyez, vous avez un magnifique spécimen ici, c'est un mégalocéros, un animal qui a disparu à 12 000 ans lors du réchauffement de la Terre. Ses bois faisaient 3 mètres d'ampleur, et donc le réchauffement de la Terre a produit l'apparition subite de très nombreuses forêts. L'animal ne passait plus, il a disparu. Vous avez une magnifique reproduction d'un mégalocéros au musée des Hésites Taillac, au musée de la préhistoire aux Hésites Taillac, tout près de Lascaux. Et à l'époque suivante encore, par exemple à l'époque magdalénienne, eh bien on va voir apparaître des animaux, des herbivores beaucoup plus petits encore. Donc là, vous avez encore une représentation d'un gros herbivore à l'époque gravétienne, la grotte de Pechmerle, magnifique mammouth, hein, qui disparaît presque définitivement à 13 000 ans. Et puis, à l'époque suivante, eh bien, vous avez des plus petits animaux. Alors, vous voyez, toujours deux représentations de la grotte des Trois Frères. Vous avez un âne sauvage, qu'on appelle un hémion ou hydrotin. Vous voyez la gravure profonde. Il est visible à l'œil nu, celui-là. Hein. Donc, c'est remarquable. Il n'y a pas de repentir. Enfin, c'est une science naturaliste extrêmement précise. Où il y a un autre exemple, là, autrement proposé, avec la barbe, vous voyez, qui est très intentionnellement gravée, les oreilles très très finement dessinées, l'œil, la tête, le col. Voilà. Là, vous avez une figuration d'un art naturaliste très savant. Deuxième remarque que je dois faire, c'est que, et c'est une attention que je dirais complémentaire, qui doit être portée aux représentations anthropomorphiques, permet de remarquer que les toutes premières figurations du visage et des attitudes proprement humaines, jusque dans un réalisme très saisissant, apparaissent tardivement autour de 14 000 ans. Je voudrais vous en proposer très vite trois images. Celle-ci qui est un relevé, et vous voyez qu'à 14 000 ans, cette chose est tout à fait étrange, elle n'a plus rien à voir avec le schématisme très grossier finalement de l'homme ityphalique de Lascaux, ou avec ces formes d'hommes blessés dont parlait Laure Blanchet. Deuxième pierre gravée, c'est nous, hein, vous êtes d'accord, c'est nous, hein, c'est de la caricature peut-être, et encore, non, c'est vraiment nous. Et celle-ci, extraordinaire, vous avez un relevé simplifié à droite et un relevé complexe avec l'ensemble des traits sur la gauche, et c'est la seule figure avec un homme de face. Elle date de 14 300 ans, plus ou moins 260. Donc là, on est dans une marge d'erreur très, très faible, un demi-millénaire. Autant dire qu'on est complètement exact dans la datation. Enfin, troisième remarque, au même moment, toujours sur le site de la Marche, qui est en fait près de là où j'habite, à Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne, fut retrouvée une plaquette gravée. Le relevé a été fait par un préhistorien et ami Nicolas Mellard. Et vous voyez, sur le relevé de droite, il a montré cette plaquette gravée à un éthologue et qu'il a fait cette remarque tout à fait importante, que là, on a un animal en position de soumission. 14 300. Au même date, 14 000 ans, sur le site de Pincevent, en région parisienne, cette gravure d'une tête de cheval et un trait. Vous voyez, il y a toute une série de striures qui ne sont pas signifiants, qu'on ne peut pas interpréter, mais il y en a un très profond, et elle fut analysée par, justement, vous voyez celui-ci, elle montre en fait une gravure profonde. Par des procédés de micro-visualisation en 3D, on peut maintenant mesurer la profondeur de la gravure. Cette gravure est intentionnelle, ce trait-là, et il est possiblement interprété comme une trace de licol, c'est-à-dire ce par quoi on tient, sinon guide, un cheval. Ça ne veut pas dire que la domestication du cheval date de 14 000 ans. Ça veut dire qu'à 14 000 ans, il y a des signes nouveaux qui émergent. Troisième et dernière remarque, apparaît au même moment sur le site de la Marche aussi bien que sur pour continuer ma troisième remarque plus exactement, je dirais qu'on est loin encore malgré ces signes de début de soumission, début de rapport différent que nous humains avons avec les animaux, on est très très loin, évidemment, de ce qui se passera aux formes de néolithique. Et là, vous avez, à 4-5 000 ans, la première scène absolument bouleversante hein, d'une traite de vaches dans le Messac libyen. Mais vous voyez qu'on passe au néolithique, et là, on est très clairement dans ce que j'appellerais une soumission opérée par l'homme de la condition animale et d'ailleurs environnementale. Alors, plutôt que de se contenter d'une description de ces représentations en termes de pensée symbolique, qui conduira, j'espère vous avoir convaincu, soit à une surinterprétation, soit à un très naïf refus d'interprétation, je proposerai deux nouveaux concepts. Ceux justement de participation et de présence, qui désignent pour moi deux façons d'être au monde de façon distincte. Alors, je nommerai le premier un mode d'être participatif au monde, le second un mode d'être présentiel au monde. Et il me semble, je voudrais en dire un mot, rapidement et pour conclure, il me semble que ces deux concepts peuvent nous permettre de penser ce qui s'est produit dans l'évolution des représentations et des figurations des hommes du paléolithique supérieur. Ce que je nomme un mode d'être participatif au monde désigne le fait que l'Homo sapiens sapiens que nous sommes toujours, mais qui apparaît au paléolithique supérieur autour de 40 000 ans, n'a pas cessé pendant plus de 25 000 ans de figurer une très grande diversité animale, hors sol, pas de paysage, jamais, sans avoir besoin de se représenter explicitement lui-même. Tout se passe comme si il s'était contenté du fait que une telle activité de peintre, de graveur, de modeleur parfois, le désignait lui-même comme celui qui est capable de figurer les vivants. Donc je ne pense pas du tout qu'il se pensait comme exactement à l'identique de ce qu'il peignait. Mais il n'y a aucun besoin pour lui d'insister sur sa différence anthropologique. Il ne se figure pas lui-même. Parce que, justement, il lui suffit peut-être de savoir que lui et lui seul grave, dessine, peint, modèle. Mais pour autant, il n'a donc pas besoin de s'opposer à l'ensemble des vivants qu'il représente en les figurant distinctement. Il est ce que j'appellerais un vivant parmi les vivants, au monde sur un mode que j'appelle participatif. Et quel geste participatif par excellence que ces mains négatives présentent en très grand nombre sur les parois des grottes ornées de l'Aurignacien jusqu'à la fin du Magdalénien. Certes, elles ont pu avoir une fonction de signe, le roi Gouran les interprétait comme celle-ci, tel par exemple ces doigts repliés de la grotte de Gargasse, qui elle aussi se visite et vous encourage à aller. Et ces doigts repliés peuvent tout à fait être, c'est ce que le roi Gouran dit dans un célèbre article, pensés comme une proto-écriture, transmettant de l'information. Pourquoi pas ? C'est possible, tout à fait acceptable. Mais en même temps, cette apposition d'une main était aussi une prise de contact sensible avec une paroi, et en un sens, elle est beaucoup plus qu'une trace, tel évidemment un graffiti sur un banc fut-il d'amphithéâtre, pour dire « j'y étais », comme on mettrait son nom. Ce contact constitue ce que j'appellerais volontiers une approche pathique, sensible, qui s'exprime dans un ressentir. Certes, l'empreinte va naître de la fixation de la morphologie de la main, suite à une projection d'un colorant, en l'occurrence ici c'est de l'oxyde de manganèse, mais cette empreinte, ce n'est pas l'empreinte qui est première. Ce qui est premier, c'est le désir d'apposition d'humain sur la paroi. Et cela se comprend si l'on accomplit un tel geste, si l'on pose justement sa main sur une paroi. Faisant cela, comme vous le savez, on ne fait pas que se sentir soi, lors même qu'on ressent la paroi. On ressent la paroi et on se sent soi inévitablement. Merleau-Ponty l'avait mis en évidence d'une autre façon. Je suis toujours touché par ce que je touche, et cela dans les deux sens du mot toucher, sensitivement, affectivement. Si on imagine en outre plonger, si on s'imagine en outre plonger dans la pénombre d'une grotte faiblement éclairée par la lumière vacillante d'une lampe à graisse animale, alors l'expérience physique du contact peut aisément se doubler d'une perception spirituelle du génie des lieux. Et mutatis mutandis, j'oserais une comparaison, une expérience similaire, bien évidemment nullement identique, qui a lieu lorsque on appose sa main sur le ventre d'une femme enceinte. Chacun l'admettra, on ne cherche pas alors à laisser son empreinte, ce serait plutôt malvenu. On y recherche une participation avec ce qui nous est encore dissimulé. Voilà donc ce que je nomme un mode d'être participatif au monde, dont l'art pariétal s'est essentiellement fait le relais. Quant au terme présentiel, je terminerai par là, il me permet, je pense, de penser, je crois, le moment à partir duquel l'humain a commencé à éprouver le besoin de se représenter distinctivement lui-même, dans sa différence d'avec les autres animaux. Ce mode d'être désigne le fait qu'alors, manifestement, il ne se satisfait plus de vivre comme un vivant parmi les vivants. Il énonce une distinction, un écart, qui va ne cesser de s'accentuer et qui ne va cesser de s'accentuer précisément parce que dès qu'il commence à se représenter comme ça, et c'est un point éminemment troublant pour moi et éminemment résonnant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, il soumet en même temps le vivant et l'environnement. Ça sera très clair au néolithique, et le néolithique, c'est tout ça, qui apparaît brutalement et d'un coup. L'hypothèse que je soutiens ici, et qui est développée dans un livre à paraître début de l'année 2020, qui s'appelle « Lucidité de l'art », et qui parlera justement de animaux et environnement dans l'art depuis le paléolithique supérieur, eh bien, l'hypothèse que je soutiens ici consiste en cela. Elle vise à rendre compte des signes avant-coureurs de ce que j'appellerais un nouveau régime d'historicité, tel qu'après la révolution climatique du Mésolithique, autour de 10 000 ans, la Terre tourne autrement autour de son axe, le réchauffement est de 12 degrés, très brutalement, en 2000 ans. Le niveau des mers monte de 120 mètres, les terres reculent de 70 km. Je dis souvent à mes étudiants que La Rochelle était à 70 km des côtes à cette époque-là. Donc vous voyez, c'est ça qui s'est passé et qui ne dépend absolument pas de l'homme à ce moment-là. Mais cette révolution climatologique a totalement modifié, fini de modifier totalement ce qui était déjà peut-être en cours à l'extrême fin du Magdalénien. Alors, l'art figuratif de cela, eh bien, ça a été le témoin, et ça a été le témoin au sein d'une culture qui, à ce moment-là, était parfaitement unifiée, puisqu'il n'y avait plus que des sapiens depuis à peu près 35 000 ans. Au final, excusez-moi si j'étais trop long, je ne sais pas donc si l'art peut refaire le monde, mais je maintiendrai qu'il en constitue un très lucide témoin. Merci beaucoup.